Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et moi, c'est Christella. Bonjour tout le monde. Nous avons une nouvelle leçon avancée aujourd'hui. Une nouvelle leçon pour vous qui parle des Jeux Olympiques. Alors, en fait, quel est le contexte ? Alors, en fait, ce qui nous intéresse dans le dialogue aujourd'hui, c'est l'origine des Jeux. Et le contexte, nous sommes en présence de deux journalistes qui se trouvent à Pékin, évidemment, pour le début des Jeux Olympiques. Et alors, on imagine qu'ils ont préparé un peu leur reportage pour cet événement qui est regardé par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Et donc, l'émission commence. En même temps que le dialogue. C'est avec une énorme joie que nous allons assister aujourd'hui à l'ouverture des 29e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Cette année, le privilège revient à la Chine d'accueillir la plus grande manifestation sportive internationale. Mais je crois, cher Léon, que vous tenez dans un premier temps à nous faire un petit rappel historique. Je vous passe donc la parole. En effet, Ariane, avant le début des festivités qui marqueront cette ouverture, il me tient particulièrement à cœur que nous profitions de cette occasion pour rappeler à tous nos chers auditeurs que les Olympiades furent remises au goût du jour et réintroduites par l'intermédiaire d'un Français, le baron Pierre de Coubertin. Tout à fait, c'est en 1896 que cette compétition d'envergure mondiale fut réorganisée à Athènes, en Grèce, le berceau de cet événement, sous l'égide du Congrès olympique, l'ancêtre du Comité international olympique. A noter par ailleurs que les femmes ne purent participer à ces premiers Jeux, mais qu'il fallut attendre les seconds, qui se déroulèrent à Paris 4 ans plus tard, pour les voir concourir aux côtés de leurs homologues masculins. Bien sûr, au cours du XXe siècle, les Jeux connurent une évolution fulgurante à tous les niveaux, notamment par rapport au nombre de concurrents, au budget investi ou encore à leur couverture médiatique. Je ne vous dément pas, Ariane, mais la devise est restée la même depuis leur réintroduction, situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort, ainsi que l'esprit de la compétition qui se retrouve dans l'expression « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et nous espérons tous que c'est l'état d'esprit qui animera encore cette grande fête du sport. Mais sans plus attendre, voilà la cérémonie qui commence. Et nous voilà de retour. Donc la journaliste au début commence par résumer un petit peu la situation et elle explique que les Jeux Olympiques se déroulent à Pékin, étant donné que le privilège d'organiser les Jeux Olympiques revient à la Chine. Donc « revenir à » signifie « a été attribué ». C'est le tour de la Chine d'accueillir cette grande manifestation sportive. Ouais, c'est ça, Christella. La manifestation sportive, donc un événement sportif tout simplement. Donc le journaliste tient à faire un petit rappel historique. Ouais. Ouais. Et alors il tient à faire quelque chose. Tenir à faire quelque chose, ça veut dire vouloir vraiment. Par exemple, on peut dire « Amaury tient à se marier dans une église ». Ouais, ou... très bon exemple. Ou un autre exemple, il tenait à la voir avant de partir. D'accord, en fait c'est pour dire qu'on a vraiment envie, quoi. C'est ce qu'on veut vraiment, comme t'as dit. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'un peu plus loin, l'autre journaliste prend la parole et il dit « il me tient particulièrement à cœur ». Alors là en fait c'est une expression très similaire, le sens est le même, ça veut dire « tenir à cœur », ça veut dire « vouloir vraiment », mais le sens est encore plus fort que l'expression qu'on vient de voir « tenir à », vu que le cœur est impliqué, donc évidemment, les sentiments sont impliqués. Donc quand on dit « il me tient à cœur de faire quelque chose », ça signifie... encore un plus grand désir. Voilà, que c'est vraiment très important pour moi. Par exemple, « il me tient à cœur de respecter l'environnement ». C'est très bien, je trouve. Ou sinon, par exemple pour Amaury, « il lui tient à cœur que ses parents soient là le jour de son mariage ». Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est pas encore décidé, hein, donc il y a encore du temps, les parents. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, on peut dire « tenir à cœur de... » faire quelque chose. Ou « tenir à cœur que... » suivi du subjonctif. D'accord. Et là, donc, ce dont il veut parler, c'est du passé des Olympiades. Et notamment, pour introduire cela, il dit « elles ont été remises au goût du jour ». Alors, « remettre au goût du jour ». Je pense que le plus simple, c'est de décomposer cette expression. En fait, le goût, ici, est employé au sens figuré pour désigner ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Le goût du jour, en fait, ça signifie ce qui est à la mode, ce qui a du succès en ce moment. Ok. Et donc, « remettre au goût du jour », en fait, c'est faire de quelque chose qui était oublié, quelque chose qui est à nouveau utilisé, pratiqué, qui est à nouveau en vogue. D'accord. Donc les Olympiades ont été remises au goût du jour par le baron de Coubertin, un Français, disons-le, en 1896, date où elles ont été réorganisées pour la première fois. Et où ça ? À Athènes. Athènes, donc qui est le berceau de cet événement. Alors pourquoi il y a ce mot « le berceau » à Amaury ? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les bébés? Pas vraiment, je crois. Non, en fait, là, c'est une image. Puisque les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce, dans l'Antiquité, on peut utiliser cette forme imagée pour désigner l'origine d'un événement, en fait. D'accord. Par exemple, on peut dire que Grèce est aussi le berceau de la démocratie? Tout à fait. Et donc, la journaliste dit que c'est une compétition d'envergure mondiale, c'est-à-dire d'ampleur mondiale, d'échelle mondiale, qui concerne le monde entier. Il y a aussi un peu plus loin l'expression « sous l'égide de ». Et donc cette expression sous l'égide de, en fait, veut dire grâce à l'influence de, grâce au soutien de. C'est donc grâce au soutien, grâce à l'influence du Congrès olympique que les Olympiades ont été réorganisées à Athènes en 1896. C'est ça. Donc ensuite, les journalistes parlent un peu des Jeux et de leur évolution jusqu'à ce qu'ils arrivent à décrire cette évolution et ils emploient le terme fulgurant. Oui, ils parlent d'une évolution fulgurante. Donc le mot fulgurant vient d'un verbe très ancien, le verbe fulgurer. D'accord. Qui signifiait lancer des éclairs. Aujourd'hui, on utilise seulement l'adjectif fulgurant pour désigner quelque chose qui a la rapidité d'un éclair, qui est extrêmement rapide et qui a aussi la puissance d'un éclair, donc qui est aussi très impressionnant. Ok. Donc ici, quand il parle d'une évolution fulgurante, il parle d'une évolution à la fois très rapide et très impressionnante. D'accord, et ça on le voit par les trois exemples qui sont donnés après, par rapport au nombre de concurrents. Et c'est vrai qu'au début, je crois qu'avec 200 concurrents, 200 athlètes, sur 100 ans, ça a évolué quand même de manière incroyable. Et que maintenant, bon, il y a plus de 10 000 athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, donc il y a vraiment une évolution incroyable. Il y a 16 000 journalistes qui s'y trouvent pour commenter les Jeux. À mon avis, ça ne devait pas être la même chose au début. Et les budgets sont énormes. Alors le journaliste acquiesce, il dit donc « je ne vous dément pas, Ariane ». Qu'est-ce que ça veut dire, Amaury, démentir? Ça veut dire en fait « contredire ». Donc là, il est d'accord avec elle. D'accord. Mais il dit aussi que la devise est restée la même. Alors une devise, c'est une courte formule qui exprime, qui résume une idée, une pensée, un état d'esprit. Par exemple, ici, c'est « plus vite, plus haut, plus fort », mais on peut penser à d'autres devises. Des gens peuvent avoir une devise, comme les mousquetaires avaient une devise « un pour tous, tous pour un ». Ou alors « Hakuna Matata » dans le roi lion. Ce qui veut dire? Ça veut dire que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Bon, trêve de plaisanterie, on va écouter à nouveau le dialogue. C'est avec une énorme joie que nous allons assister aujourd'hui à l'ouverture des 29e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Cette année, le privilège revient à la Chine d'accueillir la plus grande manifestation sportive internationale. Mais je crois, cher Léon, que vous tenez dans un premier temps à nous faire un petit rappel historique. Je vous passe donc la parole. En effet, Ariane, avant le début des festivités qui marqueront cette ouverture, il me tient particulièrement à cœur que nous profitions de cette occasion pour rappeler à tous nos chers auditeurs que les Olympiades furent remises au goût du jour et réintroduites par l'intermédiaire d'un Français, le baron Pierre de Coubertin. Tout à fait, c'est en 1896 que cette compétition d'envergure mondiale fut réorganisée à Athènes, en Grèce, le berceau de cet événement sous l'égide du Congrès olympique, l'ancêtre du Comité international olympique. A noter par ailleurs que les femmes ne purent participer à ces premiers Jeux, mais qu'il fallut attendre les seconds, qui se déroulèrent à Paris 4 ans plus tard, pour les voir concourir aux côtés de leurs homologues masculins. Bien sûr, au cours du XXe siècle, les Jeux connurent une évolution fulgurante à tous les niveaux, notamment par rapport au nombre de concurrents, au budget investi ou encore à leur couverture médiatique. Je ne vous dément pas, Ariane, mais la devise est restée la même depuis leur réintroduction, situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort, ainsi que l'esprit de la compétition qui se retrouve dans l'expression « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et nous espérons tous que c'est l'état d'esprit qui animera encore cette grande fête du sport. Mais sans plus attendre, voilà la cérémonie qui commence. Et nous revoilà. Donc on imagine que le feu d'artifice va commencer pour célébrer donc ces 29e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Et pourquoi en fait on dit de l'ère moderne, Amaury? C'est parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de l'ère antique, c'est ça? Ouais, voilà. De l'ère antique pour désigner les Jeux Olympiques qui avaient lieu en Grèce en fait, avant, bien avant, dans l'Antiquité tout simplement. Donc voilà, de nouveau une leçon avancée, très intéressante sur les Jeux Olympiques. Quelque chose de vraiment très important en France. Ouais. Étant donné que les Jeux Olympiques, c'est un peu l'occasion pour tout le monde en France de voir d'autres sports, par exemple à la télévision. Ouais, c'est un peu l'occasion de sortir des sentiers battus du sport, on va dire. Exactement, de voir d'autres sports que les très populaires, football, rugby et tennis. Ouais, moi je suis content qu'on parle un peu de natation, d'escrime, de voile, Des sports qui sont pas mis à l'honneur d'habitude. Donc les Jeux Olympiques sont vraiment très suivis en France. Et d'ailleurs, quand des athlètes gagnent une médaille aux Jeux Olympiques, on est vraiment très fiers d'eux. Ah ouais. On en parle beaucoup à la télévision. Et puis, ils deviennent un peu la fierté nationale. C'est-à-dire qu'on les voit un peu partout, dans les publicités, dans des interviews. Ah ouais, c'est marrant, c'est des gens qui sont pas forcément connus, même pas du tout connus avant. Et puis après, ça a de telles retombées médiatiques. Ils sont mis sur le devant de la scène comme ça. Puis ils deviennent des célébrités en fait. Pas tous, surtout ceux qui ont gagné des médailles d'or. Oui, je me souviens que, par exemple, Laura Flessel, qui a quand même gagné 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. Elle était vraiment partout, dans beaucoup de publicités et à la télévision également. Elle le méritait d'ailleurs. Ça c'est bien français, on est bien fiers de nos athlètes qui réussissent. Oui, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir des athlètes se donner à fond. Mais même ceux qui ne gagnent pas, il faut penser à eux aussi. Car l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Tout à fait. L'important n'est pas forcément d'aller aux Jeux Olympiques, mais de les suivre. Donc on espère que vous aurez l'occasion de suivre les Jeux Olympiques de Pékin. Ou d'autres, peut-être. Ou d'autres Jeux Olympiques. On espère que cette leçon vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon avancée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine leçon. Et vous savez qu'on peut se retrouver sur frenchpod.com. Alors, à bientôt. Au revoir tout le monde.